Le comte de Lille, l'astre rouge. Il y aura dans l'abîme du ciel un grand astre rouge nommé Sahil. Sur les continents morts, les houles léthargiques, où le dernier frisson d'un monde à palpiter s'enfle dans le silence et dans l'immensité, et le rouge saillit du fond des nuits tragiques, seule flambée d'un aux flots, son œil ensanglanté par l'espace sans fin. Des solitudes nues, ce gouffre inerte, sourd vide au néant pareil. Saïd, témoin suprême et lugubre soleil, qui fait la mer plus mort et plus noire les nues, couve d'un œil sanglant l'universel sommeil. Génie, amour, douleur, désespoir, haine, envie, ce qu'on rêve, ce qu'on adore, et ce qui ment, terre et ciel, rien n'est plus de l'antique moment, sur le songe oublié de l'homme et de la vie, l'œil rouge de Saïd. Saigne éternel.